Le théâtre populaire de juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand, Quat Quat, une pièce en deux tableaux d'Audi Berti, dans une réalisation de Roger Dattis. Avec André Rebaz dans le rôle d'Amédée qu'il a créé, André Valmy dans le rôle du capitaine qu'il a créé, Georges Cuzin, le gendarme, Janine Camp, Clarisse, Lily Sioux, la mexicaine, Laure Diana, Madame Batrilan et Olga Nilza, la récitante. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Audi Berti est un poète. Et je dis cela en manière d'exorde, car seul un poète allait imaginer le scénario de Quat Quat. Audi Berti, né sur la Côte d'Azur, s'enivra très tôt de verbes sonores, cherchant à dégager d'Hugo à Valéry une forme personnelle en harmonie avec ses ambitions de novateur et d'iconoclaste. Révolutionnaire, d'intention sans doute. Mais retenons cette analyse que Robert Poulet a faite sur le caractère étrange d'Audi Berti. Ses plus violentes protestations contre l'ordre du monde ou contre la convention sociale ne peuvent empêcher qu'on reconnaisse en lui l'optimisme méditerranéen, la satisfaction intime et définitive de ceux qui, de leur naissance, ont vu resplendir au soleil les gentillesses du cœur et les douceurs de la vie. Mais laissons là le chantre de la race des hommes, puisqu'il est devenu auteur dramatique, qu'il a bousculé le vieux théâtre avec irrévérence, nous donnant l'Empelure, la Bête noire, les Femmes du Boeuf, le Malcourt, dont la dernière reprise a consacré la valeur, et enfin Quat Quat, que juin 44 vous présente ce soir. C'est une allégorie sur le thème pascalien de l'embarquement, nous a-t-on dit. Soit. Mais ici, le mirage est traité en grotesque, dans un mélange du familier et de l'insolite, du saugrenu et du nostalgique qui rappelle l'humour d'un Alfred Jarry, joint à la logique étrange d'un Raymond Roussel. Ne cherchez rien de sensé dans cette farce, dans ce divertissement de rêveur ironique, joint avec de vieux sentiments et reliant par l'absurde son rêve à la réalité, sa morale à la vie. Conscient de ses outrances, il les guide alors avec sagesse et équilibre, accordant quelques valeurs à des psychologies surannées. Mais son habileté de dramaturge sait donner à l'ensemble un ton spirituel et cocasse qui part d'une fantaisie nouvelle, des idées vieilles comme le monde. L'action se passe sous le règne de Napoléon III, sur mer, dans la cabine qu'occupe Amédée, sur le paquebot Myrmidon. Non, n'entrez pas. Oui, entrez. Oh, capitaine, je vous en prie, capitaine, je vous en prie, asseyez-vous. Cher monsieur, je me suis permis de venir vous présenter mes devoirs. Êtes-vous bien installé? Nous avons fait de notre mieux. Je suis très bien, tout m'enchante. J'envisagerais sans déplaisir de passer toute ma vie dans cette cabine si pimpante. C'est votre première traversée. C'est ma première traversée. Je suis archéologue. Je me rends au Mexique où je dois procéder à des recherches scientifiques, à des fouilles. Cher monsieur, je fus officiellement informé de la nature exacte de votre mission. Vous vous rendez au Mexique en qualité d'agent secret du gouvernement français. Vous êtes chargé de récupérer l'ensemble des valeurs connues sous le nom de trésor de Maximilien. Avant de périr, l'infortuné Maximilien parvint à dissimuler le coffre qui contient ce trésor. À peu près 10 millions, chiffre rond. où les subventions du gouvernement français figurent pour une part considérable. L'entreprise où vous vous engagez est hardie. Vous aurez à vaincre non seulement la méfiance des autorités, l'hostilité de la population, mais encore la sauvagerie du climat, l'aridité des sites. Votre courage honore notre pays tout entier. Laissez-moi vous serrer la main. L'estime d'un homme tel que vous, capitaine, m'est infiniment précieuse. Elle me réconforterait s'il en était besoin. Mais en dépit des apparences, ma besogne ne s'annonce pas si terrible. Non, il me sera d'autant plus facile de passer pour un archéologue que je suis réellement diplômé de l'école des conservateurs de musées et lauréat de la société de géographie. En somme, je n'aurai d'autre rôle à jouer que le mien. Ah oui, l'antiquité américaine me passionne. J'ai même écrit 2 opuscules sur le dieu Quatquat. C'est une matière si riche, si neuve. Ah, croyez-moi, l'Amérique reste encore à découvrir. Quand serons-nous à la Veracruz? Le Myrmidon est un excellent bateau. Le lin de sa voilure est aussi blanc que le charbon de ses soutes peut être noir. Si Dieu veut, nous toucherons la Martinique dans 3 semaines. 15 jours plus tard, vous verrez les collines de sable de la Veracruz. Maintenant, je vous laisse. Bien. N'oubliez pas que nous dînons à 6h30, c'est-à-dire dans 20 minutes. Je vais peut-être manquer de modestie. Notre chef est l'un des meilleurs du moment. Vous m'en voyez ravi, je suis gourmand comme un petit chat. Ah, avant de me retirer, et conformément au règlement, je vais, simple formalité, vous donner lecture du paragraphe 154 des instructions générales pour la navigation au long cours. Ces instructions ont été confirmées par la loi du 3 juillet 52, et plus près de nous, par une dépêche de juillet 64. Nous y sommes. Le capitaine d'un navire marchand, moins de 3 heures après l'appareillage, porte à la connaissance de tout individu embarqué comme agent secret de l'État. Mais, n'appartenant pas au cadre régulier de l'armée, de la police ou de la gendarmerie, que le dit individu est présumé s'être abstenu d'avoir organisé ou facilité l'introduction à bord de toute personne du sexe féminin non inscrite au rôle des passagers. C'est du style administratif, n'est-ce pas? Il se veut simple, condensé, limpide, et il ne parvient qu'à être obscur. En outre, le dit individu s'abstiendra de nouer avec quelque passagère que ce soit des relations qui pourraient être interprétées par le capitaine comme susceptibles de compromettre le secret de la mission du dit individu. Où voulez-vous en venir? C'est moi l'individu? Ce n'est pas moi qui parle, c'est le règlement. Mais attendez, vous allez saisir. Si l'agent secret était convaincu d'avoir transgressé l'une ou l'autre de ses dispositions, il appartiendrait au capitaine, en tant qu'officier instrumentaire, de faire passer par les armes le délinquant, après lui avoir, le cas échéant, appliqué la contrainte disciplinaire numéro 4. Oui, la contrainte disciplinaire numéro 4, cher monsieur, consiste dans l'arrachement des ongles. Comment ? J'admets volontiers que ce texte puisse avoir de quoi vous surprendre. Mon devoir... Si je comprends bien, on me soupçonne d'avoir amené une femme sur le bateau. Mais comment ? Dans mes valises, peut-être ? Mais vous pouvez fouiller, mais si, fouillez donc. Cette femme se dénoncera bien toute seule. On ne cache pas une femme aussi facilement qu'une maladie. Cette femme, mais de quelle femme parlez-vous ? De la même que vous, pardi. De la même que moi. Mais quelle est cette femme? La femme embarquée par vous en sous-main, allons. La femme embarquée par moi en sous-main? Mais je n'ai embarqué personne! Il me plaît de vous l'entendre dire. Eh bien, ce sera l'autre qui s'arrangera pour que vous soyez fusillé. Ce sera l'autre. L'autre quoi? L'autre femme, à la fin. Ne faites pas l'innocent. L'autre femme? Oui, celle avec qui vous nourrez des relations qui... Enfin, je viens de vous lire le règlement, vous en savez autant que moi. Ah, c'est insensé. Ah non, non, réellement, c'est insensé. Mais comment? Par patriotisme, par dévouement, pour me rendre utile, pour poursuivre la tradition de la famille qui est une famille de prêtres, d'officiers, je me lance dans une équipée dont la témérité me valait à l'instant vos félicitations, et tout d'un coup, un livre à la main, vous me traitez d'individu, vous parlez de me faire fusiller, de m'arracher les ongles. Arracher les ongles à un agent secret, ou le fusiller sous prétexte qu'on l'a trouvé avec une femme, alors qu'il avait peut-être besoin pour accomplir sa mission du concours de cette femme. Que vous présente. L'une des passagères du Myrmidon me demande l'heure et que je la lui donne, ou que d'une autre je ramasse le mouchoir, je serai pour ma peine refroidi alors, nettoyé. Il en irait ainsi dans un navire dont le capitaine serait fou. J'entends bien, mais enfin, et toujours dans l'hypothèse, hypothèse absurde, où vous en arriveriez à prétendre l'appliquer, ce fameux règlement. Ah, le plus résistant des capitaines peut attraper un coup de soleil, hein, le soleil des tropiques. Votre badinage me consterne. Nous nous comprendrions mieux, je vous assure, si vous acceptiez d'être sérieux. Bon. Bref, quelle garantie puis-je avoir que mes rapports avec une dame, même les plus mondains, même les plus superficiels, n'auront pas pour moi les pires conséquences? Et puis, je ne vois pas fichtre pourquoi je m'en tiendrai à des rapports mondains et superficiels. J'ai 26 ans, que diable, j'ai des yeux, j'ai des mains. Ah, cependant, d'après vous, si j'embrasse, je meurs. Les femmes, par vos soins, deviennent des chiennes enragées, des vipères. Lamentable. Vous parlez comme si rien ne dépendait que des apparences, mais sapristi! Avant de vous plaindre de l'injustice, attendez qu'elle vous ait distingué. Croyez-moi. On est coupable ou on ne l'est pas. Quand on l'est, ça se sent, ça se voit. Et l'intéressé lui-même ne s'y trompe pas. Vous ne vous y tromperez pas. Le bien et le mal, le sentiment du bien et du mal, c'est là-dedans que ça se fabrique. Il faut que chaque homme élabore dans sa propre chair le bien et le mal. Si les hommes existent, c'est pour ça. Le règlement est moins là pour indiquer ce qu'il faut faire que pour mettre l'homme en état de procès avec lui-même. Mais finissons-en, voulez-vous, avec ce chapitre irritant. Je suis désolé d'avoir attristé le début de votre voyage. La cloche du dîner va bientôt sonner. Nous avons à bord des femmes charmantes, notamment des créoles. Aimez-vous les créoles? Certaines ont des yeux bleus de lin avec des cheveux noirs de houille. Nous avons aussi des américaines du sud, la bouche pleine d'une gelée brûlante. Et une commerçante de Bordeaux. Elle représente une maison de spiritueux, une dame assez forte, en qui les prestiges de l'expérience compensent, et au-delà, les charmes de l'ingénuité. Et que vous dirais-je encore? L'épouse du commissaire, la belle-mère du gouverneur de la Guadeloupe. Oh! J'allais oublier ma fille, ma propre fille. Elle est comme vous, la mignonne. C'est son premier voyage. Vous allez voir! Vous allez voir comment on sait s'amuser sur la mer. Dès ce soir, j'en jurerai, les valses commenceront. Préparez-vous à tourbillonner. Oh, je ne me sens guère en train. Un pestiféré, n'oubliez pas que je suis un pestiféré, un lépreux. Que j'ai le malheur de laisser mon regard s'égarer sur une de vos créoles. Il a 26 ans. Tous les plaisirs, tous les succès l'appellent et il boude. Mais mon cher, mais vous allez être le roi. Hormis les membres de l'équipage, vous êtes le seul homme à bord. Je veux dire, le seul qui soit jeune, brillant, disponible. Je ne compte pas naturellement les 12 gendarmes, 13 avec leur adjudant que nous avons pris au Havre. Où vont-ils, ces gendarmes? Oh, nulle part, nulle part. Ils ne descendront pas à terre avant le Havre, au retour du paquebot. Ce sont d'excellents tireurs, choisis comme tels un peu dans toutes les légions de gendarmerie. Mais à quel service sont-ils destinés? Oh! Vous allez bien rire. Et comme nous sommes marins de commerce, c'est-à-dire dépourvus de toute espèce d'armes, hormis la vieille pièce de 35 qui, théoriquement, nous permettrait d'appeler à l'aide en cas de naufrage, nous sommes obligés d'embarquer des gendarmes pour... Enfin, vous me comprenez, quoi. Pour la petite... pour la petite cérémonie. C'est... Décidément, capitaine, je n'irai pas dîner ni valser. Et je vous prie de veiller à ce que l'on me serve ici. Mais vous êtes mille fois plus difficile à mener qu'un paquebot transatlantique. Plus ombrageux. 12 gendarmes n'ont jamais fait peur à personne, tout au moins parmi les honnêtes gens. À la fin, vous m'offenseriez avec vos soupçons. Je ne suis pas un ogre. Je ne lâche pas les coups de fusil comme des vents. Capitaine, j'ai des documents à classer. Abuserais-je si je vous demandais de m'accorder le loisir de le faire? Des documents à classer, mais vous avez 20 jours devant vous. Mon cher ami, comment pouvez-vous voir en moi un adversaire, un bourreau? Comment un vieux grand mât comme moi résisterait-il au paternel désir de vous dire, de vous répéter qu'il ne faut pas assombrir de mauvaise humeur la fête qui commence, vos noces avec la mer. Une traversée comme celle que vous entreprenez, c'est une page arrachée à l'éternité. C'est une éternité particulière, de même qu'un navire en lui-même est un monde, un nouveau monde. Pour découvrir le nouveau monde, Christophe Colomb n'eut qu'à monter à son propre bord. Ce qui se passe sur un navire aussi rapide que le nôtre échappe à la fixité morose qui, dans les villes, dans les villages, vous cloue à chaque instant dans vos ennuis. La vitesse d'un paquebot tel que le Myrmidon éparpille et pulvérise cette ombre tenace qui, sur la terre, bloque les objets, les alourdit et, somme toute, les compose. Ici, l'objet, même le plus humble, file 14 nœuds. Tous, nous glissons, verticalement suspendus. Ce n'est qu'en regardant l'écume du sillage que vous vous apercevrez de votre propre mobilité, de votre mobilité, de votre vélocité. Mais si vous vous entêtez, si vous restez dans votre cabine, vous ne saurez rien de votre bonheur. Vous ne connaîtrez ni le vent qui parle, ni l'eau froide qui brûle, ni le sifflement chuchoté du martinet du fougue sous le chouquet du perroquet, ni le goût anglais de la vapeur rabattue à plein goulot. Si vous restez dans votre cabine, vous ne connaîtrez pas la teinte jaune ou verte prunelle de tigre des créoles vues de près, ni l'électricité bleuâtre de la chevelure des Mexicaines, ni les chevilles délicates, ni les petites mamelles. Qu'est-ce que c'est ? Cacheriez-vous une femme dans la cloison ? Capitaine ! Oh ! J'y suis. Votre voisin s'installe. Votre voisin, ou plutôt votre voisine. Oui, cette dame de Bordeaux qui travaille dans le Pernod. Par là, vous avez la jeune Mexicaine. Ainsi, sur quelque côté que vous vous tourniez pour dormir, ou pour ne pas dormir, vous avez tout près de vous de quoi rêver. La cloison s'ouvre, une épaule brille, une jambe survient. Ou peut-être sacrifie-t-on. Suffit-il pour qu'elle s'ouvre la cloison de plier l'index et de cogner le bois ? Pan-pan ? Pan-pan ? Et puis après ? Pan-pan ! Vous êtes inquiétant. Vous êtes inquiet ? Oh, je n'ai pas peur, mais j'ai peur que vous vous complaisiez à me faire peur. Votre comportement est singulier. Alors, nous avons assez bavardé. Oh, encore ce sale chat. Mistigri. Mistigri. C'est le félin de ma fillette. Elle ne doit pas être bien loin. Vous n'avez pas vu mon petit coureur ? Rien ne me déplaît davantage que de voir des animaux se promener dans le navire. Le règlement les tolère, soit, mais ils me rendent malade. Mistigri m'a fait peur. Papa, Mistigri d'abord n'est pas un chat, c'est un démon. Mais regardez-le. Il va se fourrer dans la valise maintenant. Mistigri, vilain papillon de gouttier. Attends un peu si je t'attrape. Attends. Capitaine, il y a le mécanicien qui m'envoie vous bafouiller comme ça que la troisième chaudière, elle a une déchirure qu'on y ferait passer un attelage de requin. Et il y a le maître d'équipage aussi qui m'envoie vous bafouiller comme ça que le foc de misaine, il s'embrouille dans la surchauffeur et que la ficelle est un peu grosse. Je viens tout de suite. Bon. Le mixte a ses avantages, certes, mais il a ses inconvénients. La voile et la vapeur s'épaulent réciproquement, mais quand elles présentent des avaries simultanées, le pauvre capitaine doit se couper en deux. Dans le sens de la hauteur. Ça y est, Mistigri s'est échappé dans les mollets de papa. Oh, monsieur, je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. Mais comment ? C'est vous ? Oh, quelle surprise ! Quelle admirable surprise ! Clarisse. Clarisse. Eh oui, c'est bien Clarisse. Et toute prête à vous gronder bien fort. Je vous tiens, je ne vous lâche pas. Comment ? Votre sœur et vous, en 2 ans, pas un mot, pas un signe. Vous n'avez su ni écrire un mot, ni me faire un signe. Alors Versailles, le petit cheval qui trottait, pan-pan, pan-pan, la confiture, les parties de mansarde, oubliez tout ça, périmé, révoqué. Vous êtes de jolis moineaux, tous les deux, vous savez. Mais commençons par les commencements. Comment va Thérèse ? Ma sœur se porte fort bien. Elle se maria l'été dernier. Nous vous en avisâmes. Vous m'en avisâtes. Et je répondis. Vous avez beau être solennel comme un arbre de couche, Amédée, vous ne me démontrez pas. Nous avons vécu tous les trois trop de joyeuses journées pour que je me fasse un monde de vos passés définis. Je leur oppose résolument notre passé simple, si confiant. Au moment du mariage de votre sœur, j'avais quitté les dames du Rosaire de la rue Monsieur. Et je vivais au Havre, à l'hôtel, avec papa. Ou plutôt en attendant papa. Vous connaissez la vie de papa. Papa vient, papa part. Il n'a que moi, papa. Je n'ai pas connu la voix de ma mère. Je n'ai pas de mère. J'ai si souvent pensé à ces beaux dimanches de Versailles, de Bellevue. Vous étiez mes correspondants, comme disait la supérieure. Je vous vois encore, Amédée, avec une pioche dans votre ceinture. Vous cherchiez dans la terre, sous les arbres, des rasoirs préhistoriques, les registres en pierre de taille de l'homme primitif. Vous rappelez-vous? Enfin, Amédée, je vous fais peur? Vous me reconnaissez ou vous ne me reconnaissez pas? Je vous reconnais parfaitement, Clarisse, mais cette rencontre est si surprenante. Je m'y attendais si peu. Vous me rendez bien malheureuse, mon petit Amédée. Je m'imaginais toujours que quand nous nous reverrions, vous n'auriez pas assez de bras pour me sauter au cou. Quand je pense que nous avons fait ensemble tant de promenades, tant de plaisanteries, c'était bien la peine. Nous allions même commencé un herbier. J'espère que vous vous en souvenez. Oh, j'admire votre assurance, un herbier. Pourquoi pas un muséum? Nous n'allâmes pas au-delà d'une fleur. Une fleur de cerisier? Comment, une fleur de cerisier? Non, c'était une fleur de pommier. Ah, mais il est vraiment curieux que vous ne vous soyez même pas souvenu qu'il s'agissait d'un pommier. Votre fleur de pommier, grand sou, je l'ai toujours. Je la conserve dans un livre. Le livre protège la fleur, et la fleur justifie le livre. Vous parlez comme un livre. Eh bien, enfin, voilà. Oui, voilà. Voilà, nous nous éloignons de plus en plus de Versailles, de Bellevue. 14 nœuds à l'heure. Le navire a du coffre. Papa est un capitaine exceptionnel. Pince sans rire, surtout. Pauvre papa. Il dit quelquefois qu'il est un saumon. Tout le temps à descendre, à remonter le fleuve. C'est moi qui lui taille ses favoris, vous savez. Si je ne les taillais pas, il traînerait comme deux longs serpents de poils, tout argentés, tout brillants. J'avais 12, 13 ans, je m'installais déjà sur ses genoux, avec des ciseaux. Mais vous en étiez au coffre. Au coffre? Quel coffre? Non, non, j'ai pas parlé du coffre. Coffre, non, mon bon ami. Qu'est-ce que vous faites comme ça tout seul sur la mer? Je voyage, je visite. Moi aussi, je voyage. Moi aussi, je visite. Mais je ne suis pas aussi secrète. Je peux vous dire très exactement où je vais. Je vais à la Martinique. Ah, j'espérais que je... Enfin, je pensais que vous alliez au Mexique. Un ami de mon père vit à la Martinique, dans le Rhum. Sa fille m'invite. Mais la Martinique est au bout du monde. Que dirais-je alors du Mexique? Clarisse, vous a-t-on suffisamment instruite? Vous a-t-on décrit la Martinique, cette chaleur, cette torpeur? En allant à la Martinique, à quoi prétendez-vous échapper? Qu'allez-vous chercher? Oh, pardonnez-moi. Je viens de me montrer moi-même indiscret. Non, vous n'êtes pas indiscret. Je vous demandais, qu'allez-vous chercher? C'est du langage direct. Enfin, c'est du français. Au Mexique, vous allez chercher quoi? Ce que je vais, je... Mais que voulez-vous que j'aille chercher? Je suis dans la pierre, alors je la déterre, je la gratte, je la mesure, je la déchiffre. Mais c'est vrai, il a emporté sa pioche, je la reconnais. C'est celle que vous portiez dans la ceinture. Une pioche au fond, à la forme d'une ancre, vous ne trouvez pas? Chère pioche, sœur de la fleur du pommier, oh, laisse-moi t'embrasser. Clarisse, les îles, je ne me trompe pas. Si vous y allez, c'est pour fuir, que fuyez-vous? Un souvenir? Cette terre est construite de telle sorte qu'on ne sait jamais ce que l'on fuit. Si les pas que l'on fait, on les fait pour le fuir. Ou si tout au contraire, ces pas que l'on fait vous ramènent vers lui. Qui, lui? Ce que l'on fuit. C'est du français pourtant et du langage direct. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous êtes au Mexique. Parlez-moi du Mexique. Je le connais surtout par les bouquins. Depuis des années, le Mexique nourrit ma pensée. Un homme est heureux, Clarisse, quand il dispose pour sa pensée, pour sa vie, d'un aliment toujours présent, d'un thème infatigable en sa fécondité. Ainsi, vous n'avez rien trouvé de mieux pour légitimer votre existence que de la consacrer à ce qui n'existe plus, sans même vous rendre compte que du poids même de vos études, de vos œuvres, ces études et ces œuvres étant à leur tour emportées par le temps, vous accroissez le néant des peuples anciens. Elles sont froides, vos pierres, elles sont dures, bien plus douces la peau des fleurs. Ah, chacun suit son chemin. Chacun est le prisonnier de son chemin. Et il n'est pour chacun sans doute qu'un seul chemin. À Versailles, j'étais la timidité même. Pas un cœur n'est plus exigeant, plus impérieux que le cœur de l'homme timide. N'avez-vous jamais essayé de vous jeter d'un bond hors du détestable chemin du prisonnier? Si, oh si. J'ai eu tout juste le temps de cueillir une fleur de pommier. Mais déjà d'une secousse, le destin vous tire. Le destin repasse par le chemin d'autrefois. La race des pommiers fleuris n'est pas épuisée. Dans le paysage que nous traversons, il n'est d'autre fleur que celle de l'écume. Qui songerait à les cueillir? En France, les pommiers feront toujours des fleurs. Clarisse, vous me déchirez. Mais ma mission me tient. Je porte en moi une telle abondance d'espérance, de connaissances. Vous massacrez en moi cet univers studieux. Vous fourrez des fleurs de pommiers là où elles n'ont que faire. Clarisse. Mais les fleurs du pommier, j'aurais dû toutes vous les donner. J'aurais dû arracher pour vous l'arbre et ses fruits. Je suis cet arbre, chargé de fruits. Oh, votre visage et votre corps m'enchaînent et me délivrent. Je ne vis désormais que pour vivre davantage. Et je ne vivrai davantage qu'en vous contemplant de plus près. De plus près encore. Oh, c'est si beau tout ça. Ces yeux, ces doigts. Quand on se trouve avec quelqu'un qu'on aime, sa mère par exemple ou sa sœur, et qu'on est à l'instant de périr, on regarde, je suppose, près de soi ce visage chéri pour se cramponner à lui, mais le monde et le malheur sont les plus forts et tout s'écroule et l'on périt. Bien avec vous, c'est le contraire. C'est au visage du Mexique et de mes livres que je me cramponne, mais votre charme sera le plus fort, tout va s'écrouler. Je vais me noyer en vous. Mon ami, parlez-moi du Mexique. Parlez-moi des pyramides écroulées. Nous les relèverons ensemble. Parlez-moi de ce qui vous intéresse. Ce dieu Quat-Quat. Ah, c'était un dieu. C'était le dieu d'un peuple. Ce peuple vit encore. Il n'en finit pas de mourir. Quelques familles persistent, le visage plein de boutons. Quand on leur donne des vêtements, elles les mangent. À la grande époque, pourtant, le dieu Quat-Quat... Je vous ennuie. Mais non. Le dieu Quat-Quat. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pourriez pas savoir, Clarisse, ce que cela peut entraîner pour moi de tremblements intérieurs que je sois sur le point de voir et de toucher ce qui fut l'objet de tous mes instants, le principe de tous mes désirs, le dieu Quat-Quat, là-bas, dans son temple perdu, en dehors de l'histoire, à l'écart de la politique comme un soleil immobile, oublié dans un lieu sauvage. On ne possède sur lui d'autres informations que les deux ou trois pages d'un jésuite espagnol du XVIIe siècle. Il y a 10 ans, une expédition américaine a levé quelques plans. Sur cette base très étroite, vous voyez, quelques savants, je suis l'un d'eux, Clarisse, quelques savants sont parvenus, en trimant comme des galériens, à reconstituer la figure vivante de ce Quat-Quat, de ce soleil. Vous me croyez un peu fou. Ah, non. Je ne me plains pas, je monte en grade en somme. D'abord, vous m'aviez pris pour un ego. Amédée, votre folie, Amédée, votre seule folie, c'est de ne pas savoir que vous êtes aveugle. Mais regardez-moi encore. Vous regardez. Mais rien n'est plus suave, rien n'est plus affreux. Vous me faites brûlante, Amédée. Brûlante? J'ai hâte de connaître ce dieu Quat-Quat. Le climat mexicain, c'est celui du feu. En effet. Du feu et du froid, du feu en même temps que du froid. Non, le feu de la vie qui serait le froid de la mort. Un improvisateur s'asseyait en face du dieu sur une escarpolette au-dessus d'un puits où brûlait un bûcher. S'il commettait la moindre faute en prosodie, les cordes de l'escarpolette étaient tranchées, le malheureux dégringolait. Oh, Dieu. Le puits sans doute existe encore, je le retrouverai. Oh. Le temple de Quat-Quat m'est aussi familier que le jardin de la maison à Versailles. Le temple, ou du moins son emplacement et ses vestiges. Tenez, vous voyez, ce livre-là, ce livre, ce sera le mur des jeunes filles. Cet autre livre, ce sera la base de la pyramide centrale, celle du grand miroir de pierre glacée. L'encrier, la tête du dieu Quat-Quat. Voilà, là, oui, elle est rouge. Je vous le disais bien, elle est rouge. De part et d'autre de la tête se dressent les colonnes royales. Oh, tant de soleils ont passé sur elles que les lèvres se sont usées, que les prunelles se sont vidées. Autour de nous, tout est nu. Il y a peut-être des plantes, il y en a sûrement, mais on ne les voit pas. Tout est sculpté dans une lumière aussi égale, aussi monotone que la neige. Les couleurs sont éclatantes, mais elles vibrent si fort qu'elles se détruisent l'une l'autre. Il n'y a pas de bonté ici, pas de douceur. Il y a de la grandeur, ces escaliers qui montent tout droit. Nous sommes dans l'enfer, et au-delà de l'enfer. Nous sommes au-delà de l'ombre que fait la main catholique de Dieu. Le rayonnement de ces ruines contient un désespoir si total qu'il finit par être rassurant. Goûter sur ce plateau le plaisir de l'amour. Le plaisir d'un amour qui ne se limiterait pas ou, qui sait, qui n'atteindrait pas au geste animal des lézards ou des indigènes. Goûter dans ce lieu de la plus majestueuse détresse un amour comme le nôtre, tout excité d'un souvenir de campagne fraîche en Normandie, d'église rustique du côté d'Orléans. Mais c'est plus fort, c'est plus âcre, Clarisse! Toi, mon amour, que tous les péchés réunissent. C'est plus voluptueux, c'est plus délicieux que le pardon de tous les péchés. Clarisse, toi, mon destin. Regarde. Ferme les yeux et regarde. Tout est méchant avec noblesse. Tout est dur, sans rémission. Tout est vide. La morale, absente. La science, inconnue. Nous apportons l'amour. Quel amour ? Mais le nôtre seulement. Notre amour ne se confond pas à cet univers mexicain de parfaite méchanceté. Dans sa tendresse, dans la rosée de sa tendresse, notre amour éclate comme un outrage. À l'esprit du feu lugubre où baigne ce profil couché, ses murailles incandescentes, ta fraîcheur passe entre ces ruines inhumaines comme une rivière de fleurs de pommier. Amédée, c'est admirable. Si loin, il a fallu que nous venions si loin. Il y a tant d'espace dans le monde, au même endroit pourtant de l'espace du monde, au même endroit du cristal de l'espace du monde. Nous sommes serrés l'un contre l'autre, comme si ce monde était petit, tout petit, et qu'il n'ait rien à faire que nous contenir. Nous sommes hors de l'ombre même de la main catholique de Dieu. Parce que nous sommes dans le tout fin fond du creux de la main de Dieu. Je me sens tout affaiblie, Amédée, tout affaiblie. Jolie et gracieuse Clarisse, tu m'as suivie jusqu'ici sans te plaindre, sans trébucher. Tu as franchi des forêts, tu as lu notre chemin dans les étoiles, et les étoiles t'ont reconnue pour l'une d'elles, la plus belle. Aux reptiles et à l'oiseau, tu as montré ta beauté. Tu as traversé les steppes de poussière et de cactus, tu as franchi des forêts où le soleil ne pénètre jamais. Tu as pris des diligences dont les roues perdaient leurs rayons au passage des torrents. Tu as franchi des forêts, nous avons acheté des chevaux, tu t'es habillé en homme. Ah, tu me bottes, tu sais. Ah, avec ces larges pantalons de cuir et ce chapeau de cavalier en arrière de tes cheveux et ce pistolet sur ta hanche et ces mains promptes à me tirer lentement hors du corps ma tendresse afin de me la rendre ensuite par des caresses. Ah, Clarisse, tu es quelqu'un, tu sais. Quelqu'un d'attaque. Je suis la fille du capitaine. Je suis ta maîtresse. Tu as tout subi, les moustiques, les coups de fusil et mes radotages de professeur. Et maintenant, nous nous possédons. La chair est la peine de l'âme, mais elle en est la récompense. Je suis au Mexique. Je suis debout sur la colline de ma pensée concrète. Je tiens dans mes bras la raison de l'homme, une femme. Allez, viens, viens maintenant. Allons voir le puits véritable. Oh. Oh, quoi, chérie ? Vous avez mal à la jambe ? Non, non, mais je me suis pris le pied dans un anneau. Là, je... oh. Oh, dis donc. Ah ben ça, c'est extraordinaire, ce coffre. Mais ce coffre moderne, mais ça y est, c'est le trésor. Mais oui, c'est le trésor que je suis chargé de récupérer comme agent secret du gouvernement. Mais c'est le coffre de Maximilien. On m'avait indiqué en effet que je le trouverais, ce brave cocon de coffre, dans les ruines du temple, à 3 mètres du mur des jeunes filles, en allant vers l'angle nord de la pyramide. C'est ça. Eh bien, il y a là-dedans, mon chou, 8 millions en billets de la Banque de France et 2 millions de dollars américains. Et bouge pas, la couronne de l'impératrice Charlotte. Oh, toi, flamme de chair, toi, ma guerrière, non pas d'un pays plein de présidents et de commissaires, non pas d'un Mexique avec un budget, avec une armée, non, non, mais du Mexique, du soleil sans poésie et de l'étoile sans rayon, d'un Mexique qui ne s'appelle pas le Mexique, mais qui s'appelle Quat-Quat, cactus, chaparral, vautour et silence. Bon, ces vocables même n'ont plus de sens. Clarisse, d'un Mexique délivré de tous les vocables et qui a tué jusqu'à ses morts, d'un Mexique réduit et pourtant exalté à former le prétexte ici de notre couple, d'un tel Mexique, l'impératrice, c'est toi, ta couronne à toi. Je l'ai entendu. Oui, en effet, soyez calme. Les porteurs peut-être. Non, les porteurs nous attendent à 3 kilomètres. Ils n'oseront jamais s'approcher de Quatquat. La police mexicaine. Non, il n'y a pas de ville, ni même de village à moins de 30 lieues. Un animal peut-être. Oui, peut-être quelques tapirs. Il est plus gros qu'un tapir, cet animal est plus redoutable qu'un jaguar. Je me sens toute saisie. Soyez calme. Avec un bon coup de pioche. Je crois qu'il se cache derrière la tête. Nous allons la contourner. Tenez-moi par les basques. Là, devant vous. Là. Mes compliments, monsieur. Tous mes compliments. Ça n'a pas traîné. L'emplacement du coffre, la valeur de son contenu, parfait. Mais nous avons le règlement. Heureusement. Sans le règlement, où irions-nous? Vous pouvez poser votre pioche. Une pioche n'est pas une ombrelle. Qu'est-ce que je fais avec cette pioche à la main? Vous chassiez le tapir. Vous étiez effrayant. Je chassais le tapir, moi? Oui. Et vous me parliez d'un coffre. Oh, je me suis permis de donner à mademoiselle une petite leçon d'archéologie. Vous avez divulgué l'objet de votre mission. Vous serez fusillé, mon garçon. Article 154. Je me suis laissé emporter par une exaltation bien compréhensible, bien légitime. Je suis épris de Clarisse. Et j'ai l'honneur de vous demander sa main. Je suis, comme vous le savez, diplômé, lauréat... Oh, je n'ai songé un seul instant à oublier vos titres, pas plus qu'à contester vos mérites. L'entretien que je viens d'avoir avec Clarisse fut décisif. Nous nous sommes rendus compte de notre goût, n'est-ce pas, ma bien-aimée? De notre goût commun pour les forêts vierges, les explorations. Elle et moi, nous allons parcourir le globe. Votre retraite, je pense, doit approcher. Entre deux voyages, nous viendrons nous reposer auprès de vous. Ma femme taillera vos favoris. Vous êtes un brave cœur, mon cher Amédée, mais je compte encore voyager. Ce bateau, je m'y promène les yeux fermés. Je le porte en moi comme il me porte en lui. L'extrémité des écoutes de la voilure est amarrée au pied de ma couchette. On ne pourrait larguer un phoque la nuit sans que le grand mât s'en avise, le grand mât, moi-même. Outre mon navire, je connais les dahlias imprimés de la tapisserie de la chambre d'hôtel au Havre, où je descends quand on repeint le myrmidon. Ensuite, plus rien. Je ne sais plus rien de rien. Et je voudrais aller un peu dans les villages, dans les cafés en Louvergne, ou dans des pays qui s'appellent Gap, qui s'appellent Grenoble, et sur les bords du Vidourle. Le Vidourle, mes enfants, devinez ce que c'est. C'est un fleuve. Il passe près de Béziers. Oh, magnifique, magnifique! Mais nous serons comme 3 amis. Vous me raconterez des histoires. Oh, vous devez en avoir plein votre sac. Hein. Moi, je vous enseignerai à pêcher les écrevisses, à distinguer le sifflet du bouvreuil de celui du pinson. L'un fait tchou tchou tchou, l'autre fait chou chou. Tchou tchou tchou. Oui, chou chou. C'est ça. Oh, tant vous l'êtes, allez. Mais il y a... Pardonnez-moi, vous allez penser que je rabâche. Il y a le règlement. Ce diable de règlement. Demain, à 4h du matin, pom, pom. Oh, ce n'est pas que j'aime ça, fusiller le monde, mais je suis le capitaine, n'est-ce pas? Mais voyons, pardon, me serais-je mal expliqué? J'épouse Clarisse. Clarisse, votre fille! Je ne suis pas sourd. Mais non, précisément, mais non. Vous ne l'épousez pas. Et pourquoi? Parce que demain matin, 4h, vous, froid. J'aime Clarisse. Ah, là, je vous comprends. Elle est rudement gironde. Vous avez vu ses jambes? Moi, je les ai vues. Je suis son papa, n'est-ce pas? Nous pourrons nous marier dès mon retour. Oui, bien sûr. Oui, naturellement, je comprends, mais... N'est-ce pas... Comment dirais-je... Ah! Si l'on pouvait, bien entendu, je... Moi, pour ma part, à tout prendre, je vous l'ai dit et redit, si... Enfin... Bref, demain... Papa. Oh, capitaine, quelqu'un ici est de trop. Je peux me retirer. En somme, moi, j'ai fini. Vous êtes folle. Mais non. Ce qui est de trop, c'est l'esprit de moquerie. L'esprit de moquerie qui habite votre père. L'esprit qui n'est pas le bon. Il pousse les anciens à terroriser les enfants, à les abrutir quand ceux-ci ne sont que tendresse et gentillesse. Mais enfin, monsieur, on vous confie un navire de 94 mètres de long, 200 hommes d'équipage. La vie et les biens des passagers. Vous badinez. Vous badinez sans arrêt. C'est alarmant. Mais regardez ce qui vous entoure à la fin. Prenez conseil de votre domaine, ces boiseries exactes, ces courbes calculées au millimètre, cette photographie où l'expression majestueuse de l'auguste visage va de pair avec la dignité mathématique et chimique des procédés qui nous la restituent présente et vivante. Et bien, ces données demandent, laissez-moi vous le dire, elles vous commandent de vous tenir mieux. Écoutez-moi, jeune homme, vous êtes sincère, je le vois. Vos paroles me bouleversent. Je voudrais vous apaiser. Je voudrais que vous compreniez bien qu'entre mon attitude et la consistance de ce navire et de tout ce qu'il représente, vous l'avez bien dit, de pensée, de fidélité, il n'existe aucune rupture. Je vais vous faire fusiller tout de suite. Ma bonne volonté de la sorte vous apparaîtra clairement. Ma bonne volonté, ma véracité, mon amitié. Clarisse, mais vous restez là, vous... Mais vous ne m'aidez pas, je vais avoir une crise, moi, à la fin. Tu vois bien qu'il ne te croit pas, que jusqu'à la dernière seconde, il ne te croira pas. Ne le prive pas de cette nuit qui lui reste. Ils aiment tant regarder la muraille de leur prison. Des fois, ils écrivent dessus. Papa, clic, clic, clic, clic. Il ne faut pas surtout qu'un favori dépasse l'autre. Pas de favoritisme, messieurs les favoris. À 100 toi pour de bon, il pousserait jusqu'au grand diable. Mais tu es là, tu es à moi. Tu ne m'auras peut-être pas toujours. Je ne t'aurai peut-être pas toujours. Hier encore, ce n'est pas vieux, tu m'as dit, rappelle-toi. Tu m'as dit, Clarisse, que les garçons, tu t'en moquais, que tu ne te marierais jamais. Rappelle-toi, Clarisse. Ma tarte aux prunes de saphir, mon beau feuillage. Mais enfin, je peux vouloir moi aussi faire ma vie. Tu plaisantes. Tu achèves de dépenser ton élan de comédienne. Attention, je ne suis pas Amédée. Amédée, quel nom idiot. Je ne plaisante pas. Je veux faire ma vie. Tu parles comme une bourgeoise tout d'un coup, comme une femme. Faire ta vie, mais toi-même, stupide enfant, qui est-ce qui t'a faite? Réponds, qui est-ce qui t'a faite? Ne réponds pas. Tu me dois la vie. Ce que tu es, ce que tu as, c'est à Bibi que tu le dois. Peut-être. Quelques jours pourrais-je en partie payer cette dette. Je te rembourserai mes habits, mes repas. Et ça, cette chevelure, ces épaules, ces hanches, toute cette valeur veloutée de cadence, toute ton opérante merveille de gonzesse, tu me la rendras peut-être aussi un jour. Je peux tout te rendre à l'instant. Étrangle-moi. Que je t'étrangle? Morte, quel sens aurais-tu? Non, chérie, non. Et puis, si tu mourais, si jamais tu mourais, je serais si malheureux. Si malheureux. Ne me laisse pas. Quand je regarde tes yeux qui sont pareils aux miens, tes yeux qui sont les miens, même s'ils me résistent, je connais l'agréable péril, je savoure le délicieux malheur de languir après moi-même et de me désirer en toi. Tu m'aimes? Je t'admire. Il serait difficile de ne pas t'admirer. Tout à l'heure, tu m'as détesté. Je possède tout. Je contrôle tout. Tout. Sauf en toi, quelque part, une onde, une lueur qui glisse, qui m'échappe. Soyons calmes. Soyons mignons. Deux soldats de miel. Deux chevaux de sucre. Donnons-nous une poignée de main avec la tête. Franchement, pourquoi me détestes-tu? Je suis bon. Je te dis que je suis bon. Bon? Si je n'étais pas bon, Péronnel de mes rotules, je ne serais pas là. Si je n'étais pas là, le bonheur de boire chaud n'existerait pour personne à bord. De boire chaud ou de boire froid, ou de manger du homard, ou de se retourner dans sa couchette le soir avant le sommeil sur un côté et sur l'autre. Si tu n'étais pas là... Vous, si vous n'étiez pas là. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de soutier, pas de gabier. Notre fier navire marcherait comment ? Après une heure de chauffe, les soutiers tout brûlants, tout suants, la poitrine rouge, se jettent sous le manche à air glacé. Les gabiers, eux, quand la mâture penche à 40 degrés, que la toile est plus dure que la pierre et que les planètes chavirent. Les soutiers et les gabiers adorent leur métier. Jusqu'à présent, tu ne t'étais guère occupé d'eux. Si vous n'étiez pas là, ce jeune homme ne serait pas fusillé. Enfin ! Enfin, nous y arrivons. Nous avons pris notre temps. Nous avons louvoyé, caboté, lambiné. Maintenant, nous arrivons. Nous touchons le port, le jeune homme, Amédée. Squelette calcaire. Deux oreilles, 6 mètres d'intestin, le cœur, le... le... Ne mettons pas les genoux, le petit orteil. Je vous écoute, ma crotte, allez, raconte-moi. Bien vite, vite. Bien vite, qu'il n'est pas comme les autres, lui. Elles sont immuables, les formules de la passion. Nous en avons assez ri ensemble. Cette fois, je rirai seul. L'orifice du rire en moi n'est point bouché. Tu vois, rien n'est changé. Je suis fière de toi, je suis pleine de toi. Tu sais le juste nombre des brins de chanvre de chaque cordage. Tu sais les écailles du poisson et les muscles du matelot. Tu sais les poils du crabe, les cheveux de l'oursin. J'en sais bien plus encore, mais je suis bien content que tu te souviennes de mon génie. Nous nous retrouvons. Fais-moi un béco. J'ai les lèvres sèches. Nous deux. Ma vieille pomme en nougat blanc, nous deux. Notre place n'est pas dans le destin des autres. Les autres ? Ceux de la terre ferme. Ceux de la terre. Les hommes. Ils germent, les hommes, ils crèvent. Sans arrêt. Comme des anchois. Ton Amédée n'est qu'un anchois. Même s'il ne dépend que de toi, s'il n'est dorénavant pour rien dans ce qu'il est, s'il ne reçoit que du talisman de tes galons, la chance de vivre et la terreur de mourir, il souffre. Sa souffrance est à lui, sa souffrance est en lui. Il n'a qu'à rejeter sa souffrance dans la souffrance générale, la mer est grande. Dans quelque sens qu'on la prenne, elle n'est que souffrance, famine, torture et démangeaison. Oh, hypocrite! Tu sais bien que la souffrance des hommes ne leur est pas moins immédiate, pas moins essentielle que leur chair. Ils ne peuvent pas la rejeter. La souffrance, j'en vis. Nous en vivons. Réfléchis. Où crois-tu? Dis-moi un peu. Où crois-tu que je les trouverais? Les sous pour tes escarpins, pour tes cachemires, si je n'avais pas ce navire? Ce règlement, les soutiers brûlants, les gabiers glacés, et de temps à autre, un imbécile qui se fait prendre. La fusillade judiciaire a la plus forte vacation où le capitaine puisse prétendre. 2633 francs. C'est une somme. Tu ne trouves pas que c'est une somme? Alors, ce béco, je l'ai bien mérité, il me semble. 2600 et quel, en 2 heures, sec. Tu ne bouges pas. Tu me regardes comme si j'étais un requin. Mais rappelle-toi, quand tu me regardes, je me regarde. Tes yeux sont mes yeux. Tes yeux, mon amour, sont ceux du requin affreux. C'est vrai. Je suis ta créature. Tu m'as donné trop d'esprit. Tu m'as donné trop de toi. Trop d'esprit, trop de toi. Trop de tout. Je suis toi. Non, non, je ne suis pas toi. Ma ligne est attachée à la canne de l'homme. Mon nom, dans toute sa gloire, est écrit sur ton front. Ton front est le plus noble et le plus hautain de mes miroirs. Clarisse, Clarisse, nous nous entendions si bien. Nous avons les mêmes yeux, le même humour. Nous avons le même polichinelle. Capitaine, je suis épris de Clarisse et j'ai l'honneur de vous demander sa main. Nous avons le même cœur. Non. Non? Nous n'avons pas le même cœur. J'ai dans mon cœur la souffrance de l'homme. Écoute-moi bien. Si tu le tues, je me tue. Tu n'es qu'une grue. Si Amédée meurt, je meurs. Mais foutue bougresse, personne ici ne peut mourir. Ma petite Clarisse, tout toi doré, toi mourir, personne ici ne peut mourir sans que j'aie consenti. Eh bien, si je meurs, tu auras consenti. Toujours dans la cabine, Amédée joue aux cartes avec un gendarme au grand bicorne, au grand sabre, aux grandes moustaches et au baudrier blanc. J'abat pique et je calote la femme. À toi de jouer. Je te dis, c'est à toi de jouer. Je me demande ce que ça donnerait. Si au lieu de roi, de valet, de 10 de cœur, 9 de trèfle, ainsi de suite, il y avait sur chaque carte une parole. Hein? Religion, par exemple. Fantaisie. Agonie. Machine. Amour. Trahison. Ah, c'est un jeu, noté, où l'on pourrait jouer seul. On étalerait à l'envers toutes les idées, comme une patience, et on retournerait. Il y aurait des combinaisons étranges, des rencontres fécondes. J'accepte de faire une manie pour tuer la nuit, mais je ne suis pas en humeur d'encaisser des couillonnades grosses comme ma cuisse. Déjà que ce n'est jamais folâtre, quelle que soit la saison, de veiller les morts. Et toi, tu l'es mort, vu que tu le seras dans une heure d'ici. Vu qu'il est déjà à 4 heures du matin. Heure indue. Et que les fusiliers, c'est toujours à 4 heures que ça se passe. Ah, s'il faut encore les amuser. Oui, c'est toujours des morts que je parle. Qu'ils sachent que je ne suis pas un carnaval. De sorte que là où ils vont, maintenant c'est aux fusiliers que j'en suis. Oui, mais d'un sens, les morts et les fusiliers, c'est kiff-kiff. Hein. Ils sont rendus pour le dîner de midi avec leurs 12 trous de balles dans la poitrine, ces obscènes. Ah, je m'en vais sommeiller un peu. Oh, le capitaine est un ignoble démon. Mais moi, quel imbécile je suis. Ben oui, j'avais encore cette bonne fortune, il m'avait prévenu. Et je suis tout de même tombé dans le piège. Oh, sale crétin. Oh, les condamnés à mort jouissent d'un tas de facilités, mais ils ne doivent pas fronder l'autorité. Je suis là pour te le rappeler. Comment, vous ne dormiez pas? T'es blasphème, mon réveillé. Enfin, gendarme. Le pouvoir pris dans son ensemble est représenté par ce capitaine marchand. Le pouvoir a-t-il le droit, sans se disqualifier, de provoquer des délits qu'il s'apprête à réprimer? Sa responsabilité, dans ce cas, domine et absorbe celle du criminel. Ah, le capitaine m'envoie sa fille. Ouais. Oui, elle avait perdu son chat, censément Mistigris. Mais ce chat, tout compte fait, je ne l'ai pas vu. C'était un rêve. Et bien à propos, ensuite, on est venu chercher le capitaine. Oui, bien à propos. De telle sorte que la petite et moi-même... Ici même, il nous était permis de tout faire, question m'amour. Et dans ces moments-là, enfin, vous avez tout de même un abdomen civil, militaire. Vous savez comment ça se passe? L'homme commence, il fait le coq, il se lance, il se fait mousser. Et là-dessus, coucou, le capitaine qui n'était pas loin, le capitaine se ramène en criant « Je vous y prends, demain, pampon !» Ah, le capitaine connaît son affaire. Autrement, le bon sens... Il serait pas capitaine, hein? C'est des bougres calés sur les bâtiments. Ils n'ont pas leur pareil pour les équivoques de la lune, les triangles, le calendrier. Là. Oh. Toi, charogne, tu avais le mal en dedans de toi. Le capitaine t'a chatouillé au bon endroit. Ton mal a mis le nez dehors. On va te boucher. Oh, ces cloisons vernies. Et cette brute qui ronfle. Cette lampe, cette bouée, oh, cette bouée, cette lampe, ces cloisons vernies. Et cette personne qui m'est bien plus proche que tout. Et cette personne qui n'est autre que moi. Ah, mais pourquoi m'inquiéterais-je de ce qui peut lui advenir? Maintenant que je suis sur le point de n'être plus là pour jouir de ses jouissances, ni pour souffrir de ses souffrances. La mer. La nuit. 30 ou 40 000 étoiles visibles. Toute cette force, toute cette abondance en moi, si je veux, par le regard, par l'esprit, par le gouffre du cœur, et ce capitaine charentonesque me mènerait en bateau? Mais je suis un jocrisse, un toutou! Mais après tout, il suffirait de parler haut! Gendarme! Hé, gendarme! Qu'est-ce qui te prend? Résidu! Tu te sens le besoin que je t'apprenne la délicatesse. Gendarme, je vous interdis de me tutoyer. J'ai pour oncle le colonel du 3e cuirassier. Alençon. Parfaitement, Alençon. Mon oncle a 15 galons. 5 à chaque manche. Et 5 au képi. Et je suis bon prince. Je ne compte ni ceux de la capote, ni ceux du bonnet de police, ni les tout petits du gilet. Je vous prie donc, et au besoin vous requiert, d'aller chercher le capitaine. Vous serez reçu. J'ai des révélations à lui faire. Un gendarme n'est pas un chien. Allez chercher le capitaine. Enfin, vous voyez bien que le temps presse. Le capitaine porte une casquette plate. Cela lui permettra peut-être de comprendre. Prisonnier, prisonnier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, prisonnier ? Que je suis enfermé par un fou dans une carcasse, dans une cabine. Carcasse ou cabine prise elle-même dans une loi qui n'en coûta sûrement moins formulée qu'il en coûterait pour la justifier. Prisonnier. Ah, ce mot, pour la première fois, je le regarde. Pour la première fois, je le comprends. Et enfin, pour l'instant, je suis le prisonnier. Alors il faut donc que je m'esbigne en souplesse de cette cabine, de cette carcasse. Le hublot, déraisonnable. Le suicide, répréhensible. Le capitaine, massacrer le capitaine et s'emparer de sa casquette, attrayant. Oh, entrez, cher capitaine. En l'air les mains, tout de suite en l'air. N'écriez pas, n'appelez pas. Autrement, je vous dévide. Je vous signale, ma belle, qu'il y a une option sur moi. Le capitaine m'a déjà condamné à mort. Nous ne disposons que des 2 ou 3 minutes. C'est 50 fois plus qu'il en faut pour qu'il vous transforme en caca des siens. C'est juste assez pour que vous me parliez du trésor de l'empereur Maximilien. Vous travaillez pour le gouvernement Juarez ? Juarez, c'est un fils et des tantes et un perroquet mal rasé. Sa police d'ailleurs n'aurait eu qu'à vous mettre la main dessous à la Veracruz, pas plus tôt ce que vous auriez débarqué. Moi, je suis pour le colonel Mascaral. Nuestro santo, nuestro rolito, le soleil en mouvement, l'espoir des cœurs propres. Votre colonel choisit mal ses amazones. Belle, vous l'êtes, certes, vous avez du feu, mais vous arrivez tard. N'essayez pas de m'énoyer de paroles. Les trésors. Le trésor ? Vous avez bien dit le trésor. Mais pauvre de vous, le trésor, tout le navire sait où il est. Hier soir, ici même, j'ai trompété de toutes mes forces des détails qui permettraient sans erreur de le retrouver. À côté, dans les cabines, on devait se boucher les oreilles tellement je criais. Non, je hurlais, pour mieux dire. Ah, qu'elle soit maudite, qu'elle soit mise en dehors du cycle des grâces et l'année où il faut qu'on soue. Je coupe cette cabine, je suis sur ce bateau, exprès pour vous courir derrière. Me, sainte corne de l'orteil de la Madeleine, comment pouvez-vous savoir que vous seriez aussi pressé de vous écouler par la bouse, aussi bobo? Bobo? Oui, bobos, ça veut dire nigo. Et ne m'interrompez pas. Au moins, il vous noircit la cervelle, en supposant que vous en ayez une. Il parlait les trésors, il soufflait le pastel. Et pendant ces temps, le colonel Mascaral, les plus généreux porteurs d'éperons que jamais enfanta le melon d'une femme, il se morfond dans les marécages du Nord, avec une trentaine d'épouilleux, et dans le portefeuille, pas même de quoi prendre tous ensemble les trames pour Mexico. S'il avait le trésor de Mascaral, la révolution, comme une figue, elle se démoudre, comme une figue. Mais le trésor de maintenant, il est perdu. Oh, il est peu probable, vous savez, que le capitaine et mademoiselle Clarisse aillent jusqu'au fond du Mexique se faire griffer par les ronces et piquer par les moustiques. Ainsi, pour la fille du capitaine. Pour cette figure sans hante, que ses mains sont comme des pouces à 5 pattes. C'est pour cette omelette froide que vous avez compromis la cause proprement sublime du mascaralisme. Si vous connaissiez Mascaral, si vous pouviez vous rendre compte de l'étendue de ses talents politiques, vous comprendriez qu'une femme, elle peut l'aimer jusqu'à la mort. Jusqu'à la vôtre de mort. Hé, doucement. Ah ben, si vous me manquiez, vous seriez vraiment maladroite. Comment vous en servez-vous de votre instrument, là, de votre arme? Hey, vous l'enfoncez dans le cœur des gens? Le capitaine et une vieille ficelle, et sa fille, une sainte pervers. Ils sont pas au rond du trésor, c'est réglé comme le dos de la guêpe. Il ne faut pas que ce navire aille là-bas. Il faut qu'il fasse nos phrases. Tous les deux, nous nous sauverons dans une saloupe. Il y en a une où j'ai fait mettre en secrète par un gabier tout ce qu'il faut. Chocolat, cigare, citron, oreiller, couverture. Et le naufrage? Vous vous en chargerez du naufrage? Suivez-moi bien. Il y avait un dieu au Mexique autrefois, un dieu qui... Oui, quat. Caramba, vous le connaissez? Oh, si je le connais. Puisque vous êtes si fort, vous devez savoir sa traîne dans tous les livres, qu'il s'était effacé depuis quelque temps déjà, quand les conquérants sont arrivés. Il avait dit qu'il s'en allait du côté du Coussin, vers la mer, et qu'il en avait assez. Il avait laissé pourtant dans les Mexiques cette pierre ronde, transparente. Oui, la pierre glacée, qu'on appelle aussi l'obsidienne. Cette pierre, elle était sa force, son image. Et quand Cortés a débarqué, c'est une femme. Et ça aussi, c'est dans les livres. C'est une femme qui lui a donné un petit bout de cette pierre à Cortés. Mais il en avait assez pour faire du mal ou du bien. Beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Et quand Cortés... 30 soldats, 14 chevaux... Quand Cortés a rencontré aux pyramides l'armée des Rouges, 300 000 hommes qui avaient des arbalètes mécaniques capables de lancer 15 flèches à la fois, il n'a eu Cortés qu'à élever la pierre dans sa main au soleil. Et les Rouges, miséricorde, des pros en pros, ils se sont crus que c'était Quat-Quat qui revenait de la mer. Et tout ce que leur a dit l'homme qui portait la pierre, ils l'ont fait. Ils ont mis le feu à leurs flèches, ils ont mis feu à leur bibliothèque. Ils sont devenus du feuillage sec. Bref, ces morceaux de pierre, je le possède. On peut en faire avec des opérations. Et pourquoi ne vous en êtes-vous pas servi au Mexique? Au Mexique, et ce n'est pas possible. Le sommeil est le sommeil. Quat-Quat dort si profondément qu'il ne ronfle même pas. En Castille non plus, ni dans votre pays, la pierre n'émarcerait. Mais un navire n'est ni d'ici ni de là. C'est un endroit qui n'en est pas une. Les bois viennent du nord, le fer vient du centre, le sanvre du sud et les âmes. Et qui sait d'où elles viennent, les âmes? Bueno. Il y a de la pierre dans la citerne des machines. Et le navire, il disparaît. Il se transforme en serpent des fumées. Ou bien il pète, ou encore il s'envole comme un soupir. Le navire et son vieux sien de capitaine avec sa casserole de fille. Mais de toute façon, nous avons la saloupe. Montrez-moi ce morceau de pierre. Oh, il me l'arrache pire que si c'était mon cœur. Décidément, non. Quoi, non? Non, je ne veux pas, je n'emploierai pas ce moyen. Je ne serai pas sauvé par la pierre. Comment? Mais visage est d'homme. Tu ne comprends pas que le capitaine te fusille et que le trésor passe dans ses poches et que Mascaral continue à pourrir dans les mousserons. Et tout ça parce qu'un licencié aura manqué d'estomac. Oh, mère, petite. Cette pierre, elle fera de toi le patron du navire, le capitaine. Tout le dressera, tout jouira de sa fille et des créoles. Et si te plaise des femmes de sombre, tout pourra rendre ces navires mille fois plus grands ou mille fois plus petites. Mais tu pourras le faire courir sous les flots comme une lièvre dans le maïs. Tu pourras, dis oui, bouse un doigt bouse, ou le mouvement que tu fais, mettons qu'il veut dire oui. Si tu dis non, mettons que ça veut dire oui. Je regrette, mademoiselle. Les capitaines arrivent, ils entendent son pas. Décide-toi, décide. Je suis désolé. Vous m'avez fait appeler? Tiens, vous avez du monde? Oh, bravo, la fleur du Mexique. Mais n'oubliez pas, mon cher ami, que Clarisse est vous. Dites-moi, capitaine, ce brave garçon a des ennuis. Vous vous disposiez à le faire un petit peu fusiller. C'est du moins ce qu'il m'a dit. Et remarquez qu'il n'est rien contre la fusillade. Tout le temps vivre à la longue. C'est mortel. Mais pourquoi vous le casserez? Ça me faisait plaisir de penser que pendant la traversée, il y aurait quelqu'un pour m'entretenir de ce que j'aime. Ainsi, monsieur, vous avez instruit mademoiselle de la nécessité où j'étais de... Décidément, vous racontez tout. Tout. Oh, oh. Votre attitude serait que me confirmer, s'il en était besoin, dans le sentiment que j'ai d'avoir pris à votre endroit la seule décision qui s'imposait. Comme ça, vraiment, vous songeriez à me priver de mon danseur. Et il appelle mon danseur, mais nous ne dansons pas. Nous parlons. Il est si compétent. Je vous parais en user sans galanterie, mais considérez que j'exécute le fiancé de ma fille. Ne me blâmez plus. Plaignez-moi. Votre fille est bien mal partagée. Une fiancée tout trouée, tout mouillée. Moi, cocagne, il n'est pas les fiancés. Il faut dire que dans les hommes, la jeunesse me déçoit. Même si sans savante, les jeunes, que savent-ils? Mais regardez celui-là. Il préfère les eaux grises, les mains culottées. Il y en a beaucoup plus des sucres dans les mains qui ont longtemps tout nous les rênes et les fouettes, ou le gouvernail et les compas. Elles ont peur, ces mains, de faire de la peine, autant qu'elles ont peur, pauvres. qu'on leur en fasse. L'expérience, en effet, garantit la droiture. On aime vos mains. Mais il aime aussi vos dégrandées barbes. Et pourquoi ne pas porter la moustache? Ou alors des tout petits favoris, tout petits, silencieux, comme des pieds. Ces grosses choses et des poils sous les oreilles me rappellent, vous savez quoi? Des frocs, des pénitents pendous par les talons. Il ne faut pas médire de la pénitence en présence surtout de ce garnement. La pénitence est comme l'artillerie moderne. Elle porte loin. Si ses effets vous sont invisibles, n'en concluez pas qu'il n'existe pas. La pénitence est faite pour ceux qui sont déjà dedans dans la pénitence. Le vieillard, les morveux, les malades, les prisonniers. Moi, il ne me suis jamais repenti. J'y ai toujours foncé. Quand la vie ne veut pas s'ouvrir, on la brise. Mais la vie s'ouvre toujours. Il suffit d'un peu de chaleur. Vous me trouvez à 4h du matin dans la cabine de cet homme. Vous auriez pu me trouver dans une autre cabine. Il y a que le bateau jusque dans les pyramides des Cordas, au fond du 4e sous-sol. Et la cabine du capitaine, il me rendrait les yeux fermés. Les yeux fermés. Et les doigts ouverts. Et on sait que le bout des écoutes des grandes voiles, vous les avez amarrés au bout et au pied de votre lit. Mademoiselle, comprenez bien, les femmes, je m'occuperai plus volontiers des étoiles. Le sextant, à moi, c'est mon... Il raffole sur vous de cette odeur des sels, des soufres charbonneux et de commandements. Pardonnez-moi, il se pourrait que je manque d'usage. Les jeunes femmes ont du charme. Je leur préfère une bonne tempête. Et tout m'appelons la fleur du Mexique, où nos fleurs ça se cueille. Attendre ne vaut rien. Je sens dans mes globes l'odeur de tes boutons de cuivre. Il y aurait tes ancres gravées sur moi, capitaine. À telle et telle trace, on reconnaît les femmes atteintes du mal de mer, du mal d'aimer, d'aimer les hommes de la mer. Mademoiselle, nous sommes naturellement disposés à tout faire pour le confort des passagères de première classe. Mais moi, n'est-ce pas, je suis le capitaine. Mes fonctions sont absorbantes. Il me faut soigner l'un, fusiller l'autre. Voyez le maître d'équipage ou le mécanicien. Il a l'habitude des flammes. Je ne sais pas. Il y a des hommes à bord. Voyez en bas les types qui distribuent le matériel. Ils connaissent le langage des rats, le dialecte des chattes. Ce sont pour la plupart des sexagénaires, ces braves soutiers, vous qui avez un faible pour le poil. Le capitaine est-il si différent des hommes? Le régime du capitaine, jeune femme, c'est le carême. Oh, il aime qu'on s'amuse autour de lui. Mais goûter au cru, tâter du flanc, cela lui est interdit organiquement. Nous avons un règlement. Et à propos, ce jeune homme devait me parler. Capitaine? Je dois vous remettre ceci que mademoiselle m'a confié. Ah! On les porc! Oh, les fils et les tantes! Ma pierre! On les porc! Pour essayer d'avoir ta grâce, tout me trahit! Mais tu n'auras pas ta grâce! Cet autre fils et de tante t'arrassera les cheveux, il t'arrassera les ongles, et te percera la rate et la tripe, et te canonnera le Robinson baveux! Conduisez la signorita dans sa chambre! Conduisez-la dans sa chambre et fermez-la bien! Je vous prie de bien noter, capitaine, que si je vous ai remis cette pierre, ce n'est pas pour acquérir je ne sais quel droit à votre indulgence. Il est bien évident, en effet, que dans toute cette pantalonnade, votre indulgence n'a pas à s'exercer. Je m'en serais voulu seulement de prêter la main à quoi que ce fût contre votre autorité, contre la sécurité du navire. Je vous remercie. Le Myrmidon, bien sûr, tient le coup, mais on ne doit rien négliger. Je me disais aussi, nous penchons un peu sur tribord. C'était ça, évidemment. Je vous remercie, mon fils. Il est 4h moins le quart. À cette heure-là, d'ordinaire, j'ai le meilleur de mon sommeil. Enfin, dans quelques minutes, tout sera fini. Vous serez tranquille, et moi aussi. Les gendarmes, déjà, sont rangés sur le pont. Vous pensez vraiment aller jusqu'au bout? Non, écoutez-moi, capitaine. Vous avez eu affaire dans votre carrière à des aventuriers, à des ruffians. Leur disparition, au fond, n'aurait alarmé personne. La mer, pour vous, je le comprends. C'est comme une rivière, elle se jette à la mort. Les gens au visage de travers, au métier louche, j'admets que vous les regardiez comme des épaves, comme des ombres. La mer est la soupape de la société. Alors, qui n'approuverait votre zèle à nous débarrasser des membres cariés, des enfants maudits? Mais vous et moi, comprenez-le, nous sommes du même bord. Vous connaissez mes titres. J'appartiens à une vieille famille tourangelle. Bon, bref, je suis exactement le contraire d'un acrobate, d'un évaporé. Je suis ce que l'on appelle un fils de famille. Et je m'en glorifie. Vous savez, je comprends parfaitement votre jeu. Si vous croyez que je joue, ne voyez-vous pas que j'ai des yeux pleins de larmes? Non, je me suis mal exprimé. Je comprends que vous avez voulu m'éprouver. Vous savez, je réfléchis à ce qui s'est passé et tout m'apparaît clair. Vous m'avez soumis à une épreuve, vous m'avez infligé une leçon. Clarisse a manœuvré comme un maître d'armes. J'aurais dû me taire, j'aurais dû me garder. Vous m'avez démontré que je n'étais qu'un apprenti. Toute une nuit, vous m'avez contraint à me démener dans ma présomption humiliée. Grâce à vous, mon père, j'ai en quelques heures vécu 1000 fois plus que dans un nombre égal de journées et même d'années. J'ai songé à me tuer. J'ai songé à vous tuer. Vous avez fait de moi un meurtrier, mais tout est bien qui finit bien. Un meurtrier sans malice et dont les mains restent pures. Mes crimes imaginaires m'auront valu, dans l'épiderme de l'âme, ces ampoules qui finalement endurcissent les tissus. Au cours de cette nuit, avec ce gendarme, au fait, où est-il? Il s'est rendu auprès de son chef, il va revenir. Oui. Eh bien, je me disais que ça aurait été intéressant d'essayer de s'évader de ce navire, de ce système, de s'évader non seulement de la vie, mais de la mort, et des hommes et des femmes, et de la terre et de la mer, et des berceaux et de la tombe, et du soleil, de la lune, de passer, vous voyez ce que je veux dire? De passer sur un autre navire, dans un autre univers. C'est ça, de m'en aller de l'univers de Dieu. Elle travaille à ma tête, hein? Une vraie chaudière. S'en aller de l'univers de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Il y a 20 ans, sur la ligne de Pernambouc, un matelot m'avait volé ma montre. Qu'est-ce que vous en dites? Poursuivi à bord, il s'était réfugié sur la troisième vergue, à 44 mètres du pont. Il faisait un temps de cochon noir. L'homme avait son couteau et défense d'approcher. À la fin, il me tendit le poing et puis de là-haut, il se flanqua dans le bouillon. C'était un brave. Nous poursuivîmes notre route vers l'Amérique. Il se trouva que peut-être une heure plus tard, une goélette portugaise qui rentrait en Europe quinca recueillit mon artiste. Il était donc sauvé. Sauvé de l'océan, sauvé du règlement. Or, à 2 000 $. Il y a de ces hasards. La goélette se fait prendre dans un cyclone, je ne vous dis que cela. Quand les oiseaux, les poissons et même des morceaux de bois volent en rond comme les chevaux dans un cirque. Nous étions dans l'anneau du cyclone. Pour éviter de me laisser aspirer par le gouffre central, je me tenais au plus près de la bordure, là où les eaux sont calmes. Et 3 fois, mon cher, 3 fois, nous l'avons vu passer, la goélette portugaise. Elle filait presque aussi vite qu'une balle de fusil. En tournant, elle perdait ses mâts, ses bordages, ses matelots. Quand le cyclone s'est apaisé, que tout est devenu propre, limpide, brillant, la portugaise nous apparut immobile, à 3 encablures de nous. Elle se présentait exactement comme une péniche, toute pleine de bonne eau de mer, avec juste 2 doigts de flottaison. Et sur le pont, le seul type qui restait là-dessus, mon voleur, mon révolté. On est allé le chercher avec la chaloupe. Je lui fis couper les jambes l'une après l'autre à coups de hache, au ras de la cheville. Ensuite, on le pendit. Mais quel homme! Baudelaire. Il s'appelait Baudelaire. Quel homme c'était. Oh. Oui. Le règlement, toujours lui, le règlement prévoit ce traitement pour celui qui aurait volé la montre du capitaine. Il ne m'aurait volé que mon pantalon ou mon portefeuille, il n'encourrait que quelques heures de fer. Je lui en aurais fait grâce bien volontiers. Il en avait suffisamment roté, comme on dit. Et dans ce cas, le droit de grâce nous est concédé. Mais ce satané règlement, impossible de le tourner. Les pantalons, enfantillage. Le portefeuille, colifichet. Mais la montre du capitaine, pendu. Je suis perdu, moi. Mais mon père, ma mère, que vont-ils faire? Et puis je sais pas ce que c'est que la mort. On m'a rien appris sur elle. Non, j'en peux plus. Je suis à bout. J'ai pas l'habitude, j'ai pas la force. Capitaine, vous avez l'âge de mon père. Vous portez un bon vêtement si bien boutonné, si rassurant. Mais tirez-moi de ce pétrin, sauvez-moi! Mais bien sûr! Mais tout de suite! Mais comment? Le commissaire a déjà rédigé le procès-verbal. Voyons, voyons, on peut le déchirer, c'est jamais que du papier! Les mousquetons sont chargés, les gendarmes sur le pont sont alignés. Si cela pouvait vous aider en quelque manière, je mourrais avec vous, mais vous n'en mourriez pas moins. Et pour ce qui est... Oh! Et puis ton air, j'en ai assez! Moi, je ne reconnais pas votre autorité! Votre procédé empeste l'anomalie! Je me demande à quelle espèce de pirate ou de filou j'ai affaire. Pirate? Filou? Pensez-vous vraiment que j'aurais pu organiser autour de moi la complicité de tant de personnes? Ce ne serait plus un bateau, ce serait un théâtre. Bon, admettons que vous soyez pour de bon le capitaine d'un véritable navire. Au-dessus de vous, là-bas, sur la terre, il y a le souverain! C'est exact. Au-dessus de moi, il y a le souverain. Mais au-dessus du souverain, tout puissant, certes, mais lointain, théorique, éparpillé, il y a qui de nouveau? Qui? Le capitaine, pardi! Le capitaine bien vivant, avec sa bonne figure, ses favoris, son étoile, son règlement. Il faut venir maintenant. Ces braves gendarmes là-haut vont finir par s'enrhumer. Oui? Eh ben, c'est pas vous qui le raconterez, saligo! Non, ce qui va se passer, c'est pas vous qui le raconterez! On les meurt! Oula, mais lâchez-moi! Non, mais lâchez-moi! Regardez-moi ça! Mais non. Une vraie soupe au lait! Vous ne le raconterez pas, vous ne le raconterez pas! Il vous a pas fait mal, gendarme, au moins? Allez, maintenant, en avant! Nous avons déjà perdu 5 bonnes minutes. Arrêtez! Cet homme est innocent. Innocent? Mais comment le serait-il? J'ai veillé scrupuleusement moi-même à la consommation du délit. Cet homme, ce jeune homme, plutôt, n'est pas coupable. S'il n'est pas coupable, qui sera coupable? L'adjutant de gendarmerie, la haute épine, et moi-même, chère madame. Quelle que soit ma déférence pour votre personne et mon estime pour la grande maison d'absinthe que vous représentez si crânement, je ne peux que blâmer, en l'occurrence, votre légèreté. Légèreté, le mot n'est pas trop fort. Il s'agit de la vie d'un homme. Vous ne vous êtes tout de même pas figuré que vous pourriez, par je ne sais quel prestige ou quelles intrigues, soustraire cette vie à ce qui, pour elle, fut décidé. Je vous répète qu'il n'est pas coupable. Je suis un homme d'affaires, vous le savez. Je sais quand un mot est là pour la forme et quand, au contraire, il correspond au réel. Pour que ce garçon fût coupable, il faudrait d'abord... Il faudrait d'abord... Capitaine, dites-moi. Quelqu'un qui n'est pas lui-même peut-il être condamné pour ce qu'il a fait alors qu'il croyait qu'il était lui-même? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Dans mon métier, forcément, on acquiert des notions de droit. Ce pauvre enfant, voyez comme il tremble. Mais non, je ne tremble pas. Il faudrait qu'on lui serve une tasse de chocolat. N'ayez pas peur, mon mignon, n'ayez pas peur. Tout va s'arranger. Écoutez-moi, capitaine. Oui, je vous écoute. Quoi? Vous êtes sûr? Oui. Vous pourriez le prouver? Oui. Le cachet secret du ministre, la signature. Ah, mais je ne distingue pas le filigrane. Tiens, oh, pardon. Oui, c'est bien la feuille de lierre, la tête de chien. Tout ceci me paraît parfaitement en règle. Rassurez-vous, mon petit ami. Après la pluie, le soleil, après la fusillade... Un bon chocolat. Vous me parlez comme si j'avais 12 ans. Mon cher enfant, vous avez droit à des éclaircissements. Les documents qu'on vient de me communiquer sont d'une importance décisive. Je dois m'incliner, je le fais avec joie. Vous n'êtes pas celui que vous croyez. Je ne suis pas celui... Vous n'êtes pas l'agent secret chargé d'aller récupérer le trésor de Maximilien. Le véritable agent... Oui, le véritable agent, oui, mon beau, c'est moi. On vous a lesté à votre départ de renseignements de pacotille. On vous a lancé dans cette aventure pour attirer sur vous, le cas échéant, les soupçons des affidés de Juarez ou les mauvais coups de ruffians travaillant à titre privé. Et pendant ce temps, le véritable agent, débarrassé de ses frelons, poursuivrait paisiblement sa mission. Voilà. Vous le voyez, mon cher enfant, vous aviez tort de m'en vouloir. Le règlement, désormais, vous ne le maudirez plus. Reconnaissez que sans les frayeurs qu'il vous inspira, vous n'auriez pas connu cette joie qui maintenant est la vôtre de vous retrouver intact devant la merveilleuse suite de jours de la traversée et de la vie. Oui, elle est merveilleuse, la vie. Elle fabrique à tire-larigot des clématites et des paquebots, des squelettes et des chevelures. Ah, il fallut du courage tout de même pour s'y mettre dedans, pour entrer dans la vie, dans cette bouche de fleurs graisseuses, dans cette caverne à hélice, dans cette forteresse de Dieu. Maintenant... Dur, dur, mon ami, mon petit ami si gentil, si joli, dur, persiste dans ton insanité. La mer et ses prairies intimes d'algues roses, la grande mer qui fait ouh, avec ses bras, comme pour étonner les écrivains, les amiraux. La grande mère, je ne la trouve pas si grande. Je la vois tout d'un coup petite, oh, si petite, une aïeule rabougrie, assise autour du bois mouillé de l'épave d'un mât. Et la pointe des sabots répond à la corne du menton. Et la mer, dessinée par les rivages, a toujours le même profil, celui de cet aïeul sordide, de cette brute excrémentielle. Et je me tiens à quatre pour ne pas l'envoyer dinguer contre le mur de sa tanière. Elle et son crachat monotone où seul se peut laisser prendre un moucheron du fromage. Elle et ses yeux bleus dans sa face en peau de rat. Ouais, la première fois qu'on la voit, la mer, on peut en recevoir un coup. Mais elle est immobile, au fond, comme la chronique des morts. Elle nous sert toujours les mêmes tempêtes, les mêmes odyssées, la même langouste mayonnaise. Ah ! Elle peut crever ! Mais qu'est-ce qui lui prend ? Le sang réagit. À certains, dans des cas analogues, des boutons viennent sur tout le corps. Je ne serais pas surprise qu'il en ait déjà sur la poitrine. Vous devriez vous défaire un peu, que je vous vois. C'est moi. Ce qui me prend, ce qui me prend, ben, je vais être fusillé. Je déprécie la vie à l'instant de la perdre. Fusillé ? Il n'a rien compris. Ce n'est pas Écoutez-moi vous. Bien. Ce n'est pas vous, l'agent secret. Vous êtes un homme de paille. Homme de paille. Petit jeune homme de paille. Attendez, vous voulez dire que c'est fini, que vous ne me fusillez plus? Enfin, nous y sommes. Non, on ne te fusillera pas. Tu vas te mettre au lit, tu vas faire un bon gros sommeil. Il n'y a pas à dire, il est tout chaviré. Tu vas faire un bon gros sommeil et après, tu ne penseras plus à toutes ces vilaines histoires. Je vais vous faire apporter un chocolat soigné avec du biscuit et de la marmelade. Voilà, oui. J'avais commandé pour nos chers gendarmes cette collation matinale, vous en profiterez. J'ajouterai pour vous une belle grappe de raisin de corne. Oh, capitaine, madame, mes amis, pardonnez-moi, mais je trouve pas les mots. Merci, je peux rien dire d'autre, merci. Oh, vous êtes bon, j'ai eu peur, hein. Oh, ça, je peux bien le dire, j'ai eu peur. Oh, ça m'ennuyait, n'est-ce pas ? Ça me désespérait de perdre la vie, de n'être plus là pour répondre à mon nom. Ça m'ennuyait aussi. Oh, ça, vous savez, ça me déchirait le cœur pour ces paysages que j'ai tant regardés. Pour des toits de ferme, par exemple. Là où la Touraine devient le Poitou. Et pour un tas de détails qui ne dépendent que de moi. La crinière du petit cheval qui parlait. Enfin, nous disions qu'il parlait. Le tablier blanc de la crémière de Bellevue. L'odeur de la classe de maths au lycée. Oh, je suis content que ça n'ait pas eu lieu. Oh, j'écrirai à mon père, monsieur. Oh, je lui dirai combien vous avez été bon. Mais sans vous... Je n'ai rien fait. Je n'aurais rien fait, jamais, qui fût contre mon devoir. Mais je suis indiciblement heureux que ce devoir coïncide avec votre salut. Maintenant, je vais relever mes gendarmes. Ils doivent être gelés. C'est assez plaisant, d'ailleurs, ces militaires alignés là-haut sous les étoiles avec une balle dans le canon. Je ne sais pas trop comment je vais les consoler de leur bredouille. Reposez-vous bien, mon jeune ami. Déshabillez-vous vite. Je reviendrai vous border. Oui, merci. Capitaine, un mot encore, je vous prie. J'ai la tête un peu embrouillée. D'ordinaire, pourtant, je saisis rapidement les questions. Voilà. Vous sembliez tout à l'heure admettre que l'on n'est pas responsable de ce que l'on a pu faire de bonne foi, en qualité de ceci ou de cela, quand cette qualité, comme on peut s'en apercevoir par la suite, était mensongère, usurpée. Moi, il me semble au contraire que la conviction où vous vous trouvez de représenter tel ou tel personnage, elle vous engage, au moins moralement, pour tout ce que vous ferez au nom de ce personnage. Si, croyant tuer quelqu'un dans son lit, je ne poignarde que son traversin, je suis tout de même un assassin. En attendant, votre traversin vous attend. Vous soulevez un point de droit intéressant. Considérez cependant que votre délit n'était concevable qu'autant que vous le commettiez comme agent secret. Or, vous n'êtes pas cet agent secret. Vous seriez même plutôt le contraire. Il se comporte comme un enfant. Et pendant ce temps, le sommeil languit. Évidemment, j'aurais pu vous faire fusiller pour accréditer la fable de votre mission. Enfin, de votre prétendue mission. Mais j'aurais commis un abus de pouvoir. Et puis, jusqu'à nouvel ordre, on ne bombarde pas les civils. Oh, mais je vous trouve bien prompt, capitaine. à traiter ma mission par-dessus la jambe. Je vous avertis que votre point de vue diffère du tout au tout de celui des hommes les plus éminents, les plus considérables, qui mirent en moi leur confiance et qui prendraient très mal, j'en suis sûr, votre mépris à l'égard du choix qu'ils ont fait. Mais montrez-lui donc la lettre personnelle du ministre. Expliquez-lui la signification des timbres, du filigrane. Il y croit toujours à son trésor. Ces papiers ne m'intéressent pas. Oh. Je ne connais pas cette femme. Oh. Elle pue à 15 pas l'absinthe truquée. C'est de moi que vous parlez? Moi qui? De moi-même? Oui, capitaine, j'ai une mission à remplir. J'en ai accepté les risques en même temps que les privilèges. J'aurais, de gré ou de force, subi votre injustice, mais je n'accepterai pas votre clémence. Je veux arpenter jusqu'au bout mon propre chemin. Je repousse la tentation bifurquée. Un homme est un homme, mais non pas deux hommes ou 10 hommes. Si je ne meurs pas, je ne vivrai plus. Ce sera un autre à ma place qui vivra sous ma peau, dans ma tête, entre mes jambes, entre mes bras, mais il ne sera plus moi. Mais comment l'aimerais-je et le supporterais-je? Mais mauvais sujet, puisqu'on vous dit que le trésor... Capitaine, cette femme n'a rien à faire dans ma cabine. L'exécution était fixée à 4 heures. Je croyais l'exactitude de règles dans la marine. Mais fichu clampin! Quand le capitaine lui-même vous certifie, preuves en main, la validité de votre carence, ou si vous préférez, de votre absence, enfin j'entends de votre absence juridique dans le débat qui nous occupe, vos scrupules doivent disparaître. Ils le doivent. Le capitaine a raison, même si le capitaine lui donne tort. Peut-être, après tout, y a-t-il deux capitaines? Avec les mêmes favoris, la même casquette, la même étoile. Mais le second serait plus mou, plus gris, plus terne. C'est au premier que j'obéis. Écoutez. Je n'entends rien. Si. La gendarmerie s'impatiente. Elle fait résonner le pont sous ses talons. Écoutez. La mer, toute inquiète, se demande ce qui se passe. Et si les poissons ne vont pas cesser de se succéder sans relâche, comme des dieux dont le silence enfermerait, dominerait tous les discours. Écoutez. La terre interroge le ciel. Le soleil demain se lèvera-t-il? Mais toute cette crainte est fondée. Qu'une rémission soit accordée. Que la mathématique générale du rendez-vous de la personne avec son essence et de notre âme avec la tragédie bronche sur un seul point. Tout le système s'écroule, ou tout au moins se modifie. Quat ressuscite. Le soleil, comme un serpent écarlate, se met à glisser non plus dans les airs, mais sur la terre, en ingurgitant au passage la chatterie des jeunes filles. Une fois la chatterie disparue, la morale, seule réalité de la religion, la morale se délabre et se consume, et les hypothèques plus jamais ne seront purgées, plus jamais... Oh, d'ailleurs, elle peut faire ce qui lui plaît. Qui? La morale. Moi, je m'occupe de moi. J'exige ma part. Je vous interdis de sortir. Il est capable de tout. Ses yeux brillent. Il a l'air d'avoir grandi. Oh. Ouvrez, misérable. Je vous ordonne d'ouvrir. Vous n'avez pas le passe? Le capitaine d'ordinaire a un passe pour toutes les portes. Eh non, je n'ai pas le passe. Oh. Nous sommes bouclés. Oh, celui-là, de coup. Mais il faut agir. Il est comme fou. Vous avez bien vu, il est comme fou. Je m'en doutais bien parfois quand, en somme, j'étais le prisonnier de mon navire. Mais je n'aurais jamais cru que quelqu'un aurait un jour trouvé le moyen de m'en donner le sentiment. Ces boiseries, cette géométrie tout d'un coup me dégoûte. Mes favoris deviennent du plomb. Mes galons me serrent le front et les bras. Mes artères gonflent et se durcissent. On m'a bravé, chère madame. On m'a bravé. Mais halte-là! Je vais plus fluide que le silence des poissons me répondre à travers les parois et là-haut, sur le pont. Agissant et me fixant au niveau des circonstances mécaniques, je composerai le mystère que les chiens des mousquetons modèle 59 rencontreront au moment de mordre sur la platine. Excellente idée. Répondez-vous vite, vite, répondez-vous. Oh, ce pauvre enfant avec son joli bout de ventre. Je ne demanderai pas mieux, mais le règlement s'y oppose formellement. Moi-même, oui, moi-même. Je ne franchirai cette porte qu'après l'avoir ouverte ou défoncée. Les miracles ne se produisent que par l'entremise des hommes. C'est ça, soyez un homme. Tenez, cette pioche. J'ai vécu dans l'âme, dans l'aventure, dans la personne de cet homme. Mais ne nous frappons pas. Ne nous frappons pas. Rien. Rien ne peut l'atteindre. Rien ne peut vous atteindre, si rien ne peut m'atteindre. Et rien ne peut m'atteindre, puisque c'est moi le... Oh. Bon Dieu. Vous êtes le bon Dieu? Vraiment? Le bon Dieu? Qui est-ce? Qui est le bon Dieu? Mais vous disiez que... Je suis le maître du navire. Et je crois que j'en ai assez. Au commencement, c'était varié, amusant, pittoresque, cette bataille insoluble entre mon règlement et les passagers. Mais ça commence à sentir mauvais. Ça dure. Ça s'éternise. Pour eux, pour chacun d'eux, je veux bien, c'est toujours nouveau. Pour moi, c'est toujours pareil. La fusillade, le trésor, les discours. Et ils souffrent. Ça souffre beaucoup, les hommes. Ça souffre de vivre. Ça souffre de mourir. Et puis, c'est aujourd'hui la fête de ma fille. Si nous en finissions, elle aura son bouquet. Cette pierre, elle est puissante. Elle est plus puissante encore que le croix d'autre mexicaine. Si je jette cette pierre sur le parquet, tout saute! Tout se dissout! Moi-même, avec ma casquette sans appel, je saute, je me dissous, je m'efface! Plus rien! Ni le trou noir d'une poulie, ni l'axe de la grande hélice, la table se sépare! Le vide s'accomplit, plus rien! Plus personne sur le navire! Plus de navire pour personne! Cramponnez-vous! Le Théâtre populaire de juin 44 vient de vous présenter, dans une production de Maurice Bertrand, Quat Quat, une pièce en deux tableaux d'Audi Berti, dans une réalisation de Roger Dattis. Nous vous en rappelons la distribution. André Rébaz dans le rôle d'Amédée qu'il a créé. André Valmy dans le rôle du capitaine qu'il a créé. Georges Cuzin, le gendarme. Janine Camp, Clarisse. Lily Sioux, la mexicaine. Laure Diana, Madame Batrilan. Et Olga Nilza, la récitante. Prise de son, René Cambien. Collaborateur technique, Jean-Pierre Antoine. Bruitage, Henri Saint-Georges. Assistante de production, Odette Brianne.